ego c'est la guerre. Oh, faut mouiller les maillots, ego c'est la guerre. Oh, faut suer pour le géo. Genre t'as encaissé, mais ça c'était le passé. Fais pas l'ancien, on sait que t'es dépassé. Maintenant sur le rinté, c'est moi qui a le brassard. T'es dans le placard, tu portes même les dossards. Ego c'est la guerre.